Je reviens maintenant à la première partie de ces reproches. Quand nous fûmes arrivés chez les Anglais, je les mandai tous ensemble. Et après leur avoir rappelé ce que j'avais fait pour eux, c'est-à-dire de quels objets nécessaires je les avais pourvus et de quelle manière ces objets avaient été distribués, ce dont ils étaient pénétrés et reconnaissants, je commençai à leur parler de la vie scandaleuse qu'ils menaient, et je leur répétais toutes les remarques que le prêtre avait déjà faites à cet égard. Puis, leur démontrant combien cette vie était antichrétienne et impie, je leur demandai s'ils étaient mariés ou célibataires. Ils m'exposèrent aussitôt leur état, et me déclarèrent que deux d'entre eux étaient veufs, et les trois autres simplement garçons. « Comment, poursuivis-je, avez-vous pu en bonne conscience prendre ces femmes, cohabiter avec elles comme vous l'avez fait, les appeler vos épouses, en avoir un si grand nombre d'enfants, sans être légitimement mariés ?» Ils me firent tous la réponse à laquelle je m'attendais, qu'il n'y avait eu personne pour les marier, qu'ils s'étaient engagés devant le gouverneur à les prendre pour épouses et à les garder et à les reconnaître comme telles, et qu'ils pensaient, eu égard à l'état des choses, qu'ils étaient aussi légitimement mariés que s'ils l'eussent été par un recteur et avec toutes les formalités du monde. Je leur répliquai que sans aucun doute ils étaient unis aux yeux de Dieu et consciencieusement obligés de garder ces femmes pour épouses, mais que les lois humaines étaient tout autres, ils pouvaient prétendre n'être pas liés et délaisser à l'avenir ces malheureuses et leurs enfants, et qu'alors leurs épouses, pauvres femmes désolées, sans amis et sans argent, n'auraient aucun moyen de se sortir de peine. Aussi, leur dis-je, à moins que je ne fusse assuré de la droiture de leurs intentions, que je ne pouvais rien pour eux, que j'aurais soin que ce que je ferais fût, à leur exclusion, tout au profit de leurs femmes et de leurs enfants. Et à moins qu'ils ne me donnassent l'assurance qu'ils épouseraient ces femmes, que je ne pensais pas qu'il fût convenable qu'ils habitassent plus longtemps ensemble conjugalement, car c'était tout à la fois scandaleux pour les hommes et offensant pour Dieu, dont ils ne pouvaient espérer la bénédiction s'ils continuaient de vivre ainsi. Tout se passa selon mon attente. Ils me déclarèrent, principalement Atkins, qui semblait alors parler pour les autres, qu'ils aimaient leurs femmes autant que si elles fussent nées dans leur propre pays natal, et qu'ils ne les abandonneraient sous aucun prétexte au monde, qu'ils avaient l'intime croyance qu'elles étaient tout aussi vertueuses, tout aussi modestes, et qu'elles faisaient tout ce qui dépendait d'elles pour eux et pour leurs enfants, tout aussi bien que quelque femme que ce pût être. Enfin, que nulle considération ne pourrait les en séparer. William Atkins ajouta, pour son compte, que si quelqu'un voulait l'emmener et lui offrait de le reconduire en Angleterre et de le faire capitaine du meilleur navire de guerre de la marine, il refuserait de partir s'il ne pouvait transporter avec lui sa femme et ses enfants. Et que s'il se trouvait un ecclésiastique à bord, il se marierait avec elle sur le champ et de tout cœur. C'était là justement ce que je voulais. Le prêtre n'était pas avec moi en ce moment, mais il n'était pas loin. Je dis donc à Atkins, pour l'éprouver jusqu'au bout, que j'avais avec moi un ecclésiastique, et que, s'il était sincère, je les marierais le lendemain. Puis je l'engageai à y réfléchir et à en causer avec les autres. Il me répondit que, quant à lui-même, il n'avait nullement besoin de réflexion, car il était fort disposé à cela, et fort aise que j'eusse un ministre avec moi. Son opinion était d'ailleurs que tous y consentiraient également. Je lui déclarai alors que mon ami le ministre était français et ne parlait pas anglais, mais que je ferais entre eux l'office de clerc. Il ne me demanda seulement pas s'il était papiste ou protestant, ce que vraiment je redoutais. Jamais même il ne fut question de cela. Sur ce, nous nous séparâmes. Moi, je retournai vers mon ecclésiastique, et William Atkins rentra pour s'entretenir avec ses compagnons. Je recommandai aux prêtres français de ne rien leur dire jusqu'à ce que l'affaire fût tout à fait mûre, et je lui communiquai leur réponse. Avant que j'eusse quitté leur habitation, ils vinrent tous à moi pour m'annoncer qu'ils avaient considéré ce que je leur avais dit, qu'ils étaient ravis d'apprendre que j'eusse un ecclésiastique en ma compagnie, et qu'ils étaient prêts à me donner la satisfaction que je désirais, et à se marier dans les formes dès que tel serait mon plaisir. Car ils étaient bien éloignés de souhaiter de se séparer de leur femme, et n'avaient eu que des vues honnêtes quand ils en avaient fait choix. J'arrêtai alors qu'ils viendraient me trouver le lendemain matin, et dans cette entrefaite, qu'ils expliqueraient à leur femme le sens de la loi du mariage, dont le but n'était pas seulement de prévenir le scandale, mais de les obliger, eux, à ne point les délaisser, quoi qu'il pût advenir. Les femmes saisirent aisément l'esprit de la chose, et en furent très satisfaites, comme en effet elles avaient sujet de l'être. Aussi ne manquèrent-ils pas le lendemain de se réunir tous dans mon appartement, où je produisis mon ecclésiastique. Quoiqu'il n'eût pas la robe d'un ministre anglican, ni le costume d'un prêtre français, comme il portait un vêtement noir, à peu près en manière de soutane et noué d'une ceinture, il ne ressemblait pas trop mal à un parleur. Quant au mode de communication, je fus son interprète. La gravité de ses manières avec eux et les scrupules qu'il se fit de marier les femmes, parce qu'elles n'étaient pas baptisées et ne professaient pas la foi chrétienne, leur inspirèrent une extrême révérence pour sa personne. Après cela, il ne leur fut pas nécessaire de s'enquérir s'il était ou non ecclésiastique. Vraiment, je craignais que son scrupule ne fût poussé si loin, qu'il ne voulût pas les marier du tout. Nonobstant tout ce que je pus dire, il me résista, avec modestie, mais avec fermeté. Et enfin, il refusa absolument de les unir, à moins d'avoir conféré préalablement avec les hommes et avec les femmes aussi. Bien que d'abord j'y eusse un peu répugné, je finis par y consentir de bonne grâce, après avoir reconnu la sincérité de ses vues. Il commença par leur dire que je l'avais instruit de leur situation et du présent dessein, qu'il était tout disposé à s'acquitter de cette partie de son ministre, à les marier enfin, comme j'en avais manifesté le désir. Mais qu'avant de pouvoir le faire, il devait prendre la liberté de s'entretenir avec eux. Alors, il me déclara qu'aux yeux de tout homme, et selon l'esprit des lois sociales, ils avaient vécu jusqu'à cette heure dans un adultère patent, auquel, rien que leur consentement à se marier ou à se séparer effectivement et immédiatement, ne pouvait mettre un terme. Mais qu'en cela, il s'élevait même, relativement aux lois chrétiennes du mariage, une difficulté qui ne laissait pas de l'inquiéter, celle d'unir un chrétien à une sauvage, une idolâtre, une païenne, une créature non baptisée. Et cependant qu'il ne voyait pas qu'il y eût le loisir d'amener ses femmes par la voie de la persuasion à se faire baptiser, ou à confesser le nom du Christ, dont il doutait qu'elles eussent jamais ouï parler, et sans quoi elles ne pouvaient recevoir le baptême. Il leur déclara encore qu'il présumait qu'eux-mêmes n'étaient que de très indifférents chrétiens, n'ayant qu'une faible connaissance de Dieu et de ses voies. Qu'en conséquence, ils ne pouvaient s'attendre à ce qu'ils en eussent dit bien long à leurs femmes sur cet article, et que, s'ils ne voulaient promettre de faire tous leurs efforts auprès d'elles pour les persuader de devenir chrétiennes et de les instruire de leur mieux dans la connaissance et la croyance de Dieu qui les a créées et dans l'adoration de Jésus-Christ qui les a rachetées, ils ne pourraient consacrer leur union, car ils ne voulaient point prêter les mains à une alliance de chrétiens à des sauvages, chose contraire au principe de la religion chrétienne et formellement défendue par la loi de Dieu. Ils écoutèrent fort attentivement tout ceci, que, sortant de sa bouche, je leur transmettais très fidèlement et aussi littéralement que je le pouvais, ajoutant seulement parfois quelque chose de mon propre pour leur faire sentir combien c'était juste et combien je l'approuvais. Mais j'établissais toujours très scrupuleusement une distinction entre ce que je tirais de moi-même et ce qui étaient les paroles du prêtre. Ils me répondirent que ce que le gentleman avait dit était véritable, qu'ils n'étaient eux-mêmes que de très indifférents chrétiens, qu'ils n'avaient jamais à leur femme touché un mot de religion. « Seigneur Dieu, sire !» s'écria Will Atkins, « comment leur enseignerions-nous la religion? Nous n'y entendons rien nous-mêmes. D'ailleurs, si nous allions leur parler de Dieu, de Jésus-Christ, de ciel et d'enfer, Ce serait vouloir les faire rire à nos dépens et les pousser à nous demander qu'est-ce que nous-mêmes nous croyons. Et si nous leur disions que nous ajoutons foi à toutes les choses dont nous leur parlons, par exemple, que les bons vont au ciel et les méchants en enfer, elles ne manqueraient pas de nous demander où nous prétendons aller nous-mêmes, qui croyons à tout cela et n'en sommes pas moins de mauvais êtres, comme en effet nous le sommes. Vraiment, sire, cela suffirait pour leur inspirer tout d'abord du dégoût pour la religion. Il faut avoir de la religion soi-même avant de vouloir prêcher les autres. Will Atkins, lui répartis-je. Quoique j'aie peur que ce que vous dites ne soit que trop vrai en soi, ne pourriez-vous cependant répondre à votre femme qu'elle est plongée dans l'erreur, qu'il est un dieu, qu'il y a une religion meilleure que la sienne, que ces dieux sont des idoles qui ne peuvent ni entendre ni parler, qu'il existe un grand être qui a fait toutes choses et qui a puissance de détruire tout ce qu'il a fait, qu'il récompense le bien et punit le mal, et que nous serons jugés par lui à la fin selon nos œuvres en ce monde. Vous n'êtes pas tellement dépourvu de sens que la nature elle-même ne vous ait enseigné que tout cela est vrai. Je suis sûre que vous savez qu'il en est ainsi, et que vous y croyez vous-même. Cela est juste, répliqua Atkins. Mais de quel front pourrais-je dire quelque chose de tout ceci à ma femme quand elle me répondrait immédiatement que ce n'est pas vrai ? Pas vrai ? Répliquai-je. Qu'entendez-vous par là ? Oui, sire. Elle me dira qu'il n'est pas vrai que ce Dieu dont je lui parlerai soit juste et puisse punir et récompenser. Puisque je ne suis pas puni et livré à Satan, moi qui ai été, elle le sait que trop, une si mauvaise créature envers elle et envers tous les autres. Puisqu'il souffre que je vive, moi qui ai toujours agi si contrairement à ce qu'il faut que je lui présente comme le bien et à ce que j'eusse dû faire. Oui, vraiment, Atkins, répétai-je. J'ai grand peur que tu ne dises trop vrai. Et là-dessus, je reportai les réponses d'Atkins à l'ecclésiastique qui brûlait de les connaître. Oh ! S'écria le prêtre, dites-lui qu'il est une chose qui peut le rendre le meilleur ministre du monde auprès de sa femme, et que c'est la repentance, car personne ne prêche le repentir comme les vrais pénitents. Il ne lui manque que l'attrition pour être mieux que tout autre en état d'instruire son épouse. C'est alors qu'il sera qualifié pour lui apprendre que non seulement il est un dieu, juste rémunérateur du bien et du mal, mais que ce dieu est un être miséricordieux, que dans sa bonté ineffable et sa patience infinie, il diffère de punir ceux qui l'outragent, à dessein d'user de clémence, car il ne veut pas la mort du pécheur, mais bien qu'il revienne à soi et qu'il vive. Que souvent il souffre que les méchants parcourent une longue carrière, que souvent même il ajourne leur damnation au jour de l'universelle rétribution, et que c'est là une preuve évidente d'un Dieu et d'une vie future, que les justes ne reçoivent pas leur récompense, ni les méchants leur châtiment en ce monde. Ceci le conduira naturellement à enseigner à sa femme les dogmes de la résurrection et du jugement dernier. En vérité, je vous le dis, que seulement il se repente, et il sera pour sa femme un excellent instrument de repentance. Je répétai tout ceci à Atkins, qui l'écouta d'un air fort grave, et qui, il était facile de le voir, en fut extraordinairement affecté. Tout à coup, s'impatientant et me laissant à peine achever, « Je sais tout cela, master, me dit-il, et bien d'autres choses encore. Mais je n'aurai pas l'impudence de parler ainsi à ma femme, quand Dieu et ma propre conscience savent, quand ma femme elle-même serait contre moi un irrécusable témoin, que j'ai vécu comme si je n'eusse jamais ouï parler de Dieu ou d'une vie future ou de rien de semblable. Et pour ce qui est de mon repentir, hélas !» Là-dessus, il poussa un profond soupir et je vis ses yeux se mouiller de larmes. « Tout est perdu pour moi. » « Perdu, Atkins ? Mais qu'entends-tu par là ?»« Je ne sais que trop ce que j'entends, sire, répondit-il. J'entends qu'il est trop tard et que ce n'est que trop vrai. » Je traduisis mot pour mot à mon ecclésiastique ce que William venait de me dire. Le pauvre prêtre zélé, Ainsi dois-je l'appeler, car quelle que fût sa croyance, il avait assurément une rare sollicitude du salut de l'âme de son prochain. Et il serait cruel de penser qu'il n'eût pas une égale sollicitude de son propre salut. Cet homme, zélé et charitable, dis-je, ne put aussi retenir ses larmes. Mais s'étant remis, il me dit « Faites-lui cette seule question. Est-il satisfait qu'il soit trop tard ou en est-il chagrin ? Et souhaiterait-il qu'il n'en fût pas ainsi ?» Je posai nettement la question à Atkins et il me répondit avec beaucoup de chaleur « Comment un homme pourrait-il trouver sa satisfaction dans une situation qui sûrement doit avoir pour fin la mort éternelle ? Bien loin d'en être satisfait, je pense au contraire qu'un jour ou l'autre elle causera ma ruine. » « Qu'entendez-vous par là ? » lui dis-je. Et il me répliqua qu'il pensait en venir, ou plus tôt ou plus tard, à se couper la gorge pour mettre fin à ses terreurs. L'ecclésiastique hocha la tête d'un air profondément pénétré quand je lui reportai tout cela. Et, s'adressant brusquement à moi, il me dit « Si tel est son état, vous pouvez l'assurer qu'il n'est pas trop tard. Le Christ lui donnera repentance. » « Mais je vous en prie, ajouta-t-il, expliquez-lui ceci, que comme l'homme n'est sauvé que par le Christ et le mérite de sa passion, intercédant la miséricorde divine, il n'est jamais trop tard pour rentrer en grâce. Pense-t-il qu'il soit possible à l'homme de pécher au-delà des bornes de la puissance miséricordieuse de Dieu ? Dites-lui, je vous prie, qu'il y a peut-être un temps où, lassé, la grâce divine cesse ses longs efforts. » et où Dieu peut refuser de prêter l'oreille. Mais que pour l'homme, il n'est jamais trop tard pour implorer merci. Que nous, qui sommes serviteurs du Christ, nous avons pour mission de prêcher le pardon en tout temps au nom de Jésus-Christ, à tous ceux qui se repentent sincèrement. Donc, ce n'est jamais trop tard pour se repentir. Je répétai tout ceci à Atkins. Il m'écouta avec empressement. Mais il parut vouloir remettre à la fin de l'entretien, car il me dit qu'il désirait sortir pour causer un peu avec sa femme. Il se retira en effet, et nous suivîmes avec ses compagnons. Je m'aperçus qu'ils étaient tous ignorants jusqu'à la stupidité en matière de religion, comme je l'étais moi-même quand je m'enfuis de chez mon père pour courir le monde. Cependant, aucun d'eux ne s'était montré inattentif à ce qui avait été dit. Et tous promirent sérieusement d'en parler à leurs femmes et d'employer tous leurs efforts pour les persuader de se faire chrétiennes. L'ecclésiastique sourit lorsque je lui rendis leur réponse, mais il garda longtemps le silence. À la fin pourtant, secouant la tête, « Nous qui sommes serviteurs du Christ, dit-il, nous ne pouvons qu'exhorter et instruire. Quand les hommes se soumettent et se conforment à nos censures et promettent ce que nous demandons, notre pouvoir s'arrête là. Nous sommes tenus d'accepter leurs bonnes paroles. Mais croyez-moi, sire, continua-t-il, quoi que vous ayez pu apprendre de la vie de cet homme que vous nommez William Atkins, j'ai la conviction qu'il est parmi eux le seul sincèrement converti. Je le regarde comme un vrai pénitent. Non que je désespère des autres, mais cet homme-ci est profondément frappé des égarements de sa vie passée. Et je ne doute pas que lorsqu'il viendra à parler de religion à sa femme, il ne s'en pénètre lui-même efficacement. Car s'efforcer d'instruire les autres est souvent le meilleur moyen de s'instruire soi-même. J'ai connu un homme qui, ajouta-t-il, n'ayant de la religion que des notions sommaires et menant une vie au plus haut point coupable et perdue de débauche, en vint à une complète récipiscence en s'appliquant à convertir un juif. Si donc le pauvre Atkins se met une fois à parler sérieusement de Jésus-Christ à sa femme, ma vie a parié qu'il entre par là lui-même dans la voie d'une entière conversion et d'une sincère pénitence. Et qui sait ce qui peut s'en suivre ? D'après cette conversation, cependant, et les susdites promesses de s'efforcer à persuader aux femmes d'embrasser le christianisme, le prêtre maria les trois couples présents. Will Atkins et sa femme n'étaient pas encore rentrés. Les épousailles faites, après avoir attendu quelque temps, mon ecclésiastique fut curieux de savoir où était allé Atkins. Et, se tournant vers moi, il me dit « Sire, je vous en supplie, sortons de votre labyrinthe et allons voir. J'ose avancer que nous trouverons par là ce pauvre homme causant sérieusement avec sa femme et lui enseignant déjà quelque chose de la religion. » Je commençais à être du même avis. Nous sortîmes donc ensemble et je le menai par un chemin qui n'était connu que de moi et où les arbres s'élevaient si épais qu'il n'était pas facile de voir à travers les touffes de feuillage, qui permettaient encore moins d'être vus qu'elles ne laissaient voir. Quand nous fûmes arrivés à la rive du bois, j'aperçus Atkins et sa sauvage épouse au teint basané, assises à l'ombre d'un buisson et engagées dans une conversation animée. Je restai quoi jusqu'à ce que mon ecclésiastique m'eût rejoint. Et alors, lui ayant montré où il était, nous fîmes halte et les examinâmes longtemps avec la plus grande attention. Nous remarquâmes qu'il la sollicitait vivement en lui montrant du doigt là-haut le soleil et toutes les régions des cieux, puis en bas la terre, puis au loin la mer, puis lui-même, puis elle, puis les bois et les arbres. « Or, me dit mon ecclésiastique, vous le voyez, voici que mes paroles se vérifient. Il la prêche. Observez-le. Maintenant, il lui enseigne que notre Dieu les a faits, elle et lui, de même que le firmament, la terre, la mer, les bois et les arbres. » « Je le crois aussi, lui répondis-je. » Aussitôt, nous vîmes Atkins se lever, puis se jeter à genoux en élevant ses deux mains vers le ciel. Nous supposâmes qu'il proférait quelque chose, mais nous ne pûmes l'entendre, nous étions trop éloignés pour cela. Il resta à peine une demi-minute agenouillé, revint s'asseoir près de sa femme et lui parla de rechef. Nous remarquâmes alors combien elle était attentive. Mais gardait-elle le silence ou parlait-elle? C'est ce que nous n'aurions su dire. Tandis que ce pauvre homme était agenouillé, j'avais vu des larmes couler en abondance sur les joues de mon ecclésiastique, et j'avais eu peine moi-même à me retenir. Mais c'était un grand chagrin pour nous que de ne pas être assez près pour entendre quelque chose de ce qui s'agitait entre eux. Cependant, nous ne pouvions approcher davantage, de peur de les troubler. Nous résolûmes donc d'attendre la fin de cette conversation silencieuse, qui d'ailleurs nous parlait assez haut sans le secours de la voix. Atkins, comme je l'ai dit, s'était assis de nouveau tout auprès de sa femme et lui parlait de rechef avec chaleur. Deux ou trois fois, nous pûmes voir qu'il l'embrassait passionnément. Une autre fois, nous le vîmes prendre son mouchoir, lui essuyer les yeux, puis l'embrasser encore avec des transports d'une nature vraiment singulière. Enfin, après plusieurs choses semblables, nous le vîmes se relever tout à coup, lui tendre la main pour l'aider à faire de même, puis, la tenant ainsi, la conduire aussitôt à quelques pas de là, où tous deux s'agenouillèrent et restèrent dans cette attitude 2 minutes environ. Mon ami ne se possédait plus. Il s'écria « Saint Paul, Saint Paul, voyez, il prie !» Je craignis qu'Atkins ne l'entendît. Je le conjurai de se modérer pendant quelques instants afin que nous puissions voir la fin de cette scène qui, pour moi, je dois le confesser, fut bien tout à la fois la plus touchante et la plus agréable que j'ai jamais vue de ma vie. Il chercha en effet à se rendre maître de lui, mais il était dans de tels ravissements de penser que cette pauvre femme païenne était devenue chrétienne qu'il lui fut impossible de se contenir et qu'il versa des larmes à plusieurs reprises. Levant les mains vers le ciel et se signant la poitrine, il faisait des oraisons jaculatoires pour rendre grâce à Dieu d'une preuve si miraculeuse du succès de nos efforts. Tantôt il parlait tout bas, et je pouvais à peine entendre, tantôt à voix haute, tantôt en latin, tantôt en français. Deux ou trois fois, des larmes de joie l'interrompirent et étouffèrent ses paroles tout à fait. Je le conjurai de nouveau de se calmer, afin que nous puissions observer de plus près et plus complètement ce qui se passait sous nos yeux, ce qu'il fit pour quelque temps. La scène n'était pas finie, car après qu'il se fut relevé, nous vîmes encore le pauvre homme parler avec ardeur à sa femme. et nous reconnûmes à ses gestes qu'elle était vivement touchée de ce qu'il disait. Elle levait fréquemment les mains au ciel, elle posait une main sur sa poitrine, ou prenait telles autres attitudes qui décèlent d'ordinaire une componction profonde et une sérieuse attention. Ceci dura un demi-quart d'heure environ. Puis ils s'éloignèrent trop pour que nous puissions les épier plus longtemps. Je saisis cet instant pour adresser la parole à mon religieux, et je lui dis d'abord que j'étais charmée d'avoir vu dans ces détails ce dont nous venions d'être témoins. Que, malgré que je fusse assez incrédule en pareil cas, je me laissais cependant aller à croire qu'ici tout était fort sincère, tant de la part du mari que de celle de la femme, quelle que pût être d'ailleurs leur ignorance, et que j'espérais qu'un tel commencement aurait encore une fin plus heureuse. « Et qui sait, ajoutai-je, si ces deux-là ne pourront pas, avec le temps, par la voie de l'enseignement et de l'exemple, opérer sur quelques autres ?»« Quelques autres, reprit-il en se tournant brusquement vers moi, voire même sur tous les autres. Faites fondre là-dessus, si ces deux sauvages, car lui, à votre propre dire, n'a guère laissé voir qu'il valut mieux. » S'adonnent à Jésus-Christ, ils n'auront pas de cesse qu'ils n'ont converti tous les autres, car la vraie religion est naturellement communicative, et celui qui une bonne fois s'est fait chrétien ne laissera jamais un païen derrière lui s'il peut le sauver. J'avouais que penser ainsi était un principe vraiment chrétien et la preuve d'un zèle véritable et d'un cœur généreux en soi. Mais, mon ami, poursuivis-je, « voulez-vous me permettre de soulever ici une difficulté ? Je n'ai pas la moindre chose à objecter contre le fervent intérêt que vous déployez pour convertir ces pauvres gens du paganisme à la religion chrétienne. Mais quelle consolation en pouvez-vous tirer, puisque, à votre sens, ils sont hors du giron de l'Église catholique, hors de laquelle vous croyez qu'il n'y a point de salut ? Ce ne sont toujours à vos yeux que des hérétiques, et pour sans raison, aussi effectivement damnés que les païens eux-mêmes. » À ceci, il répondit avec beaucoup de candeur et de charité chrétienne. « Sire, je suis catholique de l'Église romaine et prêtre de l'ordre de Saint-Benoît, et je professe tous les principes de la foi romaine. Mais cependant, croyez-moi, et ce n'est pas comme compliment que je vous dis cela, ni eu égard à ma position et à vos amitiés. Je ne vous regarde pas, vous qui vous appelez vous-même réformé, sans quelque sentiment charitable. Je n'oserais dire, quoique je sache que c'est en général notre opinion, je n'oserais dire que vous ne pouvez être sauvé. Je ne prétends en aucune manière limiter la miséricorde du Christ jusque-là de penser qu'il ne puisse vous recevoir dans le sein de l'Église par des voies à nous impalpables et qu'il nous est impossible de connaître. Et j'espère que vous avez la même charité pour nous. Je prie chaque jour pour que vous soyez tous restitués à l'Église du Christ, de quelque manière qu'il plaise à celui qui est infiniment sage de vous y ramener. En attendant, vous reconnaîtrez sûrement qu'il m'appartient, comme catholique, d'établir une grande différence entre un protestant et un païen. Entre celui qui invoque Jésus-Christ, quoique dans un mode que je ne juge pas conforme à la véritable foi, et un sauvage, un barbare qui ne connaît ni Dieu, ni Christ, ni Rédempteur, si vous n'êtes pas dans le giron de l'Église catholique, nous espérons que vous y êtes plus près d'y entrer que ceux-là qui ne connaissent aucunement ni Dieu ni son Église. C'est pourquoi je me réjouis quand je vois ce pauvre homme, que vous me dites avoir été un débauché et presque un meurtrier, s'agenouiller et prier Jésus-Christ, comme nous supposons qu'il a fait, malgré qu'il ne soit pas pleinement éclairé, dans la persuasion où je suis que Dieu, de qui toute œuvre semblable procède, touchera sensiblement son cœur et le conduira en son temps à une connaissance plus profonde de la vérité. Et si Dieu inspire à ce pauvre homme de convertir et d'instruire l'ignorante sauvage son épouse, je ne puis croire qu'il le repoussera lui-même. N'ai-je donc pas raison de me réjouir Lorsque je vois quelqu'un amené à la connaissance du Christ, quoiqu'il ne puisse être apporté jusque dans le sein de l'Église catholique, juste à l'heure où je puis le désirer, tout en laissant à la bonté du Christ le soin de parfaire son œuvre en son temps et par ses propres voies. Certes que je me réjouirais si tous les sauvages de l'Amérique étaient amenés, comme cette pauvre femme, à prier Dieu. Dussent-ils être tous protestants d'abord, plutôt que de les voir persister dans le paganisme et l'idolâtrie. Fermement convaincu que je serais, que celui qui aurait épanché sur eux cette lumière daignerait plus tard les illuminer d'un rayon de sa céleste grâce, et les recueillir dans le bercail de son église, alors que bon lui semblerait. Je fus autant étonné de la sincérité et de la modération de ce papiste véritablement pieux que terrassé par la force de sa dialectique. Et il me vint en ce moment à l'esprit que si une pareille modération était universelle, nous pourrions être tous chrétiens catholiques, quelle que fût l'Église ou la communion particulière à laquelle nous appartincions. Que l'esprit de charité bientôt nous insinuerait tous dans de droits principes, et en un mot, comme il pensait qu'une semblable charité nous rendrait tous catholiques, je lui dis qu'à mon sens, si tous les membres de son Église professaient la même tolérance, ils seraient bientôt tous protestants. Et nous brisâmes là, car nous n'entrions jamais en controverse. Cependant, changeant de langage et lui prenant la main, « Mon ami, lui dis-je, je souhaiterais que tout le clergé de l'Église romaine fût doué d'une telle modération et d'une charité égale à la vôtre. Je suis entièrement de votre avis. Mais je dois vous dire que si vous prêchiez une pareille doctrine en Espagne ou en Italie, on vous livrerait à l'Inquisition. » « Cela se peut, répondit-il. J'ignore ce que feraient les Espagnols ou les Italiens, mais je ne dirai pas qu'ils en soient meilleurs chrétiens pour cette rigueur. Car ma conviction est qu'il n'y a point d'hérésie dans un excès de charité. » Will Atkins et sa femme étant partis, nous n'avions que faire en ce lieu. Nous rebroussâmes donc chemin, et, comme nous nous en retournions, nous les trouvâmes qui attendaient qu'on les fît entrer. Lorsque je les eus aperçus, je demandai à mon ecclésiastique si nous devions ou non découvrir à Atkins que nous l'avions vu près du buisson. Il fut d'avis que nous ne le devions pas, mais qu'il fallait lui parler d'abord et écouter ce qu'il nous dirait. Nous l'appelâmes donc en particulier, et personne n'étant là que nous-mêmes, je liai avec lui en ces termes. « Comment fûtes-vous élevé, Will Atkins, je vous prie? Qu'était votre père ?» William Atkins. « Un meilleur homme que je ne serai jamais, sire. Mon père était un ecclésiastique. » Robinson Crusoe. « Quelle éducation vous donna-t-il ?» William Atkins. « Il aurait désiré me voir instruit, sire, mais je méprisais toute éducation, instruction ou correction comme une brute que j'étais. » Robinson Crusoe. C'est vrai, Salomon a dit, celui qui repousse le blâme est semblable à la brute. William Atkins. Ah, sire, j'ai été comme la brute, en effet. J'ai tué mon père. Pour l'amour de Dieu, sire, ne me parlez point de cela, sire. J'ai assassiné mon pauvre père. Le prêtre. Ah, un meurtrier? Ici, le prêtre tressaillit et devint pâle, car je lui traduisais mot pour mot les paroles d'Atkins. Il paraissait croire que Will Atkins avait réellement tué son père. Robinson Crusoe. Non, non, sire, je ne l'entends pas ainsi. Mais Atkins, expliquez-vous. N'est-ce pas que vous n'avez pas tué votre père de vos propres mains? William Atkins. Non, sire, je ne lui ai pas coupé la gorge, mais j'ai tari la source de ses joies, mais j'ai raccourci ses jours. Je lui ai brisé le cœur en payant de la plus noire ingratitude le plus tendre et le plus affectueux traitement que jamais père ait pu faire éprouver ou qu'enfant ait jamais reçu. Robinson Crusoe. C'est bien. Je ne vous ai pas questionné sur votre père pour vous arracher cet aveu. Je prie Dieu de vous en donner repentir et de vous pardonner cela, ainsi que tous vos autres péchés. je ne vous ai fait cette question que parce que je vois, quoique vous ne soyez pas très docte, que vous n'êtes pas aussi ignorant que tant d'autres dans la science du bien, et que vous en savez, en fait, de religion, beaucoup plus que vous n'en avez pratiqué. William Atkins. Quand vous ne m'auriez pas, sire, arraché la confession que je viens de vous faire sur mon père, ma conscience l'eût faite. Toutes les fois que nous venons à jeter un regard en arrière sur notre vie, les péchés contre nos indulgents parents sont certes, parmi tous ceux que nous pouvons commettre, les premiers qui nous touchent. Les blessures qu'ils font sont les plus profondes, et le poids qu'ils laissent pèse le plus lourdement sur le cœur. Robinson Crusoe. Vous parlez pour moi avec trop de sentiments et de sensibilité, Atkins. Je ne saurais le supporter. William Atkins. Vous le pouvez, master. J'ose croire que tout ceci vous est étranger. Robinson Crusoe. Oui, Atkins, chaque rivage, chaque colline, je dirais même chaque arbre de cette île est un témoin des angoisses de mon âme, au ressentiment de mon ingratitude et de mon indigne conduite envers un bon et tendre père. Un père qui ressemblait beaucoup au vôtre, d'après la peinture que vous en faites. Comme vous, Will Atkins, j'ai assassiné mon père, mais je crois ma repentance de beaucoup surpasser par la vôtre. J'en aurais dit davantage si j'eusse pu maîtriser mon agitation. Mais le repentir de ce pauvre homme me semblait tellement plus profond que le mien que je fus sur le point de briser là et de me retirer. J'étais stupéfait de ses paroles. Je voyais que bien loin que je dusse remontrer et instruire cet homme, il était devenu pour moi un maître et un précepteur, et cela de la façon la plus surprenante et la plus inattendue. J'exposai tout ceci au jeune ecclésiastique, qui en fut grandement pénétré, et me dit « Eh bien, n'avais-je pas prédit qu'une fois que cet homme serait converti, il nous prêcherait tous ? En vérité, sire, je vous le déclare, si cet homme devient un vrai pénitent, on n'aura pas besoin de moi ici. Il fera des chrétiens de tous les habitants de l'île. » M'étant un peu remis de mon émotion, je renouai conversation avec Will Atkins. « Mais, Will, dis-je, d'où vient que le sentiment de ses fautes vous touche précisément à cette heure ?» William Atkins. « Sire, vous m'avez mis à une œuvre qui m'a transpercé l'âme. J'ai parlé à ma femme de Dieu et de religion, à dessein, selon vos vues, de l'affaire chrétienne. Et elle m'a prêché elle-même un sermon tel que je ne l'oublierai de ma vie. » Robinson Crusoe. « Non, non, ce n'est pas votre femme qui vous a prêché, mais lorsque vous l'appréciez de vos arguments religieux, votre conscience les rétorquait contre vous. » William Atkins. « Oh oui, sire, et d'une telle force que je n'eusse pu y résister. » Robinson Crusoe. « Je vous en prie, Will, faites-nous connaître ce qui se passait entre vous et votre femme. J'en sais quelque chose déjà. » William Atkins. « Sire, il me serait impossible de vous en donner un récit parfait. J'en suis trop plein pour le taire. Cependant, la parole me manque pour l'exprimer. Mais quoi qu'elle ait dit, et bien que je ne puisse vous en rendre compte, je puis toutefois vous en déclarer ceci, que je suis résolu à m'amender et à réformer ma vie. » Robinson Crusoe. « De grâce, dites-nous en quelques mots. Comment commençâtes-vous, Will ? Chose certaine, le cas a été extraordinaire. C'est effectivement un sermon qu'elle vous a prêché, si elle a opéré sur vous cet amendement. » William Atkins. Eh bien, je lui exposais d'abord la nature de nos lois sur le mariage et les raisons pour lesquelles l'homme et la femme sont dans l'obligation de former des nœuds tels qu'ils ne soient au pouvoir ni de l'un ni de l'autre de les rompre. Qu'autrement, l'ordre et la justice ne pourraient être maintenus. Que les hommes répudieraient leurs femmes et abandonneraient leurs enfants et vivraient dans la promiscuité, et que les familles ne pourraient se perpétuer ni les héritages se régler par une descendance légale. Robinson Crusoe. Vous parlez comme un légiste, Will, mais pûtes-vous lui faire comprendre ce que vous entendez par héritage et famille ? On ne sait rien de cela parmi les sauvages, On s'y marie n'importe comment, sans avoir égard à la parenté, à la consanguinité ou à la famille. Le frère avec la sœur, et même, comme il m'a été dit, le père avec la fille, le fils avec la mère. William Atkins. Je crois, sire, que vous êtes mal informé. Ma femme m'assure le contraire, et qu'ils ont horreur de cela. Peut-être pour quelques parentés plus éloignées ne sont-ils pas aussi rigides que nous, mais elle m'affirme qu'il n'y a point d'alliance dans les proches degrés dont vous parlez. Robinson Crusoe. Soit. Et que répondit-elle à ce que vous lui disiez ? William Atkins. Elle répondit que cela lui semblait fort bien et que c'était beaucoup mieux que dans son pays. Robinson Crusoe. Mais lui avez-vous expliqué ce que c'est que le mariage ? William Atkins. Oui, oui, là commença notre dialogue. Je lui demandais si elle voulait se marier avec moi à notre manière. Elle me demanda de quelle manière était-ce. Je lui répondis que le mariage avait été institué par Dieu. Et c'est alors que nous eûmes ensemble, en vérité, le plus étrange entretien qu'ait jamais eu mari et femme, je crois. Nota bene. Voici ce dialogue entre William Atkins et sa femme, tel que je le couchai par écrit, immédiatement après qu'il me le rapporta. La femme. Institué par votre Dieu ? Comment ? Vous avoir un Dieu dans votre pays ? William Atkins. Oui, ma chère, Dieu est dans tous les pays. La femme. Pas votre Dieu dans mon pays avoir le grand vieux Dieu Benamuke. William Atkins. Enfant, je ne suis pas assez habile pour vous démontrer ce que c'est que Dieu. Dieu est dans le ciel, et il a fait le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qui s'y trouve. La femme. Pas fait la terre. Votre Dieu pas fait la terre. Pas fait mon pays. Will Atkins sourit à ces mots, que Dieu n'avait pas fait son pays. La femme. Pas rire ? Pourquoi me rire ? Ça pas chose à rire. Il était blâmé à bon droit, car elle se montrait plus grave que lui-même d'abord. William Atkins. C'est très vrai, je ne rirai plus, ma chère. La femme. Pourquoi vous dire, votre Dieu a fait tout ? William Atkins. Oui, enfant, notre Dieu a fait le monde entier, et vous, et moi, et toutes choses, car il est le seul vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, il habite à jamais dans le ciel. La femme. Pourquoi vous pas dire ça à moi depuis longtemps ? William Atkins. C'est vrai, en effet, mais j'ai été un grand misérable, et j'ai non seulement oublié jusqu'ici de t'instruire de tout cela, mais encore j'ai vécu moi-même comme s'il n'y avait pas de Dieu au monde. La femme. Quoi ? Vous avoir le grand Dieu dans votre pays ? Vous pas connaître lui ? Pas dire « Oh !» à lui ? Pas faire bonne chose pour lui ? Ça pas possible. William Atkins. Tout cela n'est que trop vrai. Nous vivons comme s'il n'y avait pas un Dieu dans le ciel ou qu'il n'y eût point de pouvoir sur la terre. La femme. Mais pourquoi Dieu laisse-vous faire ainsi ? Pourquoi lui pas faire vous bien vivre ? William Atkins. C'est entièrement notre faute. La femme. Mais vous dire à moi, lui être grand, beaucoup grand, avoir beaucoup grande puissance. Pourquoi faire tuer quand lui vouloir ? Pourquoi lui pas faire tuer vous quand vous pas servir lui ? Pas dire « oh » à lui ? Pas être bons hommes ? William Atkins. Tu dis vrai. Il pourrait me frapper de mort et je devrais m'y attendre, car j'ai été un profond misérable. Tu dis vrai, mais Dieu est miséricordieux et ne nous traite pas comme nous le méritons. La femme. Mais alors, vous pas dire à Dieu merci pour cela ? William Atkins. Non, en vérité, je n'ai pas plus remercié Dieu pour sa miséricorde que je n'ai redouté Dieu pour son pouvoir. La femme. Alors, votre Dieu, pas Dieu. Moi, non penser. Moi, non croire lui être un tel grand beaucoup pouvoir, fort, puisque pas faire tuer vous. Quoique vous faire lui beaucoup colère. William Atkins. Quoi ? Ma coupable vie vous empêcherait-elle de croire en Dieu ? Quelle affreuse créature je suis ! Et quelle triste vérité est celle-là, que la vie infâme des chrétiens empêche la conversion des idolâtres. La femme. Comment, moi, pensez-vous avoir grand beaucoup Dieu là-haut? Du doigt, elle montrait le ciel. Cependant, pas faire bien, pas faire bonne chose. Pouvoir lui savoir? Sûrement lui pas savoir quoi vous faire. William Atkins. Oui, oui, il connaît et voit toutes choses. Il nous entend parler, voit ce que nous faisons, sait ce que nous pensons, même quand nous ne parlons pas. La femme. Non, lui pas entendre vous maudire, vous jurer, vous dire le grand Goddam. William Atkins. Si, si, il entend tout cela. La femme. Ou alors être son grand pouvoir fort. William Atkins. Il est miséricordieux, c'est tout ce que nous pouvons dire. Et cela prouve qu'il est le vrai Dieu, il est Dieu et non homme. Et c'est pour cela que nous ne sommes point anéantis. William Atkins nous dit ici qu'il était saisi d'horreur en pensant comment il avait pu annoncer si clairement à sa femme que Dieu voit, entend et connaît les secrètes pensées du cœur et tout ce que nous faisons. Encore qu'il eût osé commettre toutes les méprisables choses dont il était coupable. La femme. Miséricordieux, quoi vous appelez ça? William Atkins. Il est notre Père et notre Créateur. Il a pitié de nous et nous épargne. La femme. Ainsi donc, lui jamais faire tuer, jamais colère qu'en faire méchant? Alors, lui pas bon lui-même ou pas grand capable. William Atkins. Si, si, ma chère, il est infiniment bon et infiniment grand et capable de punir, souvente fois même, afin de donner des preuves de sa justice et de sa vengeance. Il laisse sa colère se répandre pour détruire les pécheurs et faire exemple. Beaucoup même seuls frappés au milieu de leurs crimes. La femme. Mais pas faire tuer vous cependant. Donc vous lui dire peut-être que lui pas faire tuer vous. Donc vous faire le marché avec lui, vous commettre mauvaise chose. Lui pas être colère contre vous, quand lui être colère contre les autres hommes. William Atkins. Non, en vérité, mes péchés ne proviennent que d'une confiance présomptueuse en sa bonté. Et il serait infiniment juste s'il me détruisait comme il a détruit d'autres hommes. La femme. Bien, néanmoins, pas tuer, pas faire vous mort. Que vous dire à lui pour ça? Vous pas dire à lui merci pour tout ça? William Atkins. Je suis un chien d'ingrat, voilà le fait. La femme. Pourquoi lui pas faire vous beaucoup bon meilleur? Vous dire lui faire vous? William Atkins. Il m'a créé comme il a créé tout le monde. C'est moi-même qui me suis dépravé, qui ai abusé de sa bonté et qui ai fait de moi un être abominable. La femme. Moi, désirer vous faire Dieu connaître à moi. Moi, pas faire lui colère. Moi, pas faire mauvaise méchante chose. Ici, Will Atkins nous dit que son cœur lui avait défailli en entendant une pauvre et ignorante créature exprimer le désir d'être amenée à la connaissance de Dieu. Tandis que lui, misérable, ne pouvait lui en dire un mot auquel l'ignominie de sa conduite ne la détourna d'ajouter foi. Déjà même, elle s'était refusée à croire en Dieu parce que lui, qui avait été si méchant, n'était pas anéanti. William Atkins. Sans doute, ma chère, vous voulez dire que vous souhaitez que je vous enseigne à connaître Dieu et non pas que j'apprenne à Dieu à vous connaître, car il vous connaît déjà, vous et chaque pensée de votre cœur. La femme. Ainsi donc, lui savoir ce que moi dire à vous maintenant. Lui savoir, moi désirer de connaître lui. Comment moi connaître celui qui crée moi? William Atkins. Pauvre créature, il faut qu'il t'enseigne. Lui, moi je ne puis t'enseigner. Je le prierai de t'apprendre à le connaître et de me pardonner à moi, qui suis indigne de t'instruire. Le pauvre garçon fut tellement mis aux abois quand sa femme lui exprima le désir d'être amenée par lui à la science de Dieu, quand elle forma le souhait de connaître Dieu, qu'il tomba à genoux devant elle, nous dit-il, et pria le Seigneur d'illuminer son esprit par la connaissance salutaire de Jésus-Christ, de lui pardonner à lui-même ses péchés et de l'accepter comme un indigne instrument pour instruire cet idolâtre dans les principes de la religion. Après quoi, il s'assit de nouveau près d'elle et leur dialogue se poursuivit. Nota bene, c'était là le moment où nous l'avions vu s'agenouiller et lever les mains vers le ciel. La femme. « Pourquoi vous mettre les genoux à terre? Pourquoi vous lever en haut les mains? Quoi vous dire? À qui vous parler? Quoi est tout ça ?» William Atkins. « Ma chère, je ploie les genoux en signe de soumission envers celui qui m'a créé. Je lui ai dit « Oh !» comme vous appelez cela, et comme vous racontez que font vos vieillards à leur idole Benamuké, c'est-à-dire que je l'ai prié. » La femme. « Pourquoi vous dire « Oh !» à lui ?» William Atkins. « Je l'ai prié d'ouvrir vos yeux et votre entendement, afin que vous puissiez le connaître et lui être agréable. » La femme. « Pouvoir lui faire ça aussi ?» William Atkins. « Oui, il le peut. Il peut faire toute chose. » La femme. « Mais lui, pas entendre quoi vous dire ?» William Atkins. « Si, il nous a commandé de le prier et promis de nous écouter. » La femme. « Commandez-vous prier ? Quand lui commandez-vous ? Comment lui commandez-vous ? Quoi, vous entendre lui parler ?» William Atkins. « Non, nous ne l'entendons point parler, mais il s'est révélé à nous de différentes manières. » Ici, Atkins fut très embarrassé pour lui faire comprendre que Dieu s'est révélé à nous par sa parole et ce que c'est que sa parole. Mais enfin, il poursuivit ainsi. William Atkins. Dieu, dans les premiers temps, a parlé à quelques hommes bons du haut du ciel en termes formels. Puis Dieu a inspiré des hommes bons par son esprit et ils ont écrit toutes ces lois dans un livre. La femme. Moi, pas comprendre ça. Où est ce livre ? William Atkins. Hélas, ma pauvre créature, je n'ai pas ce livre, mais j'espère un jour ou l'autre l'acquérir pour vous et vous le faire lire. C'est ici qu'il l'embrassa avec beaucoup de tendresse, mais avec l'inexprimable regret de n'avoir pas de Bible. La femme. Mais comment vous faire moi connaître que Dieu enseignait eux à écrire ce livre ? William Atkins. Par la même démonstration par laquelle nous savons qu'il est Dieu. La femme. Quelle démonstration ? Quel moyen vous savoir ? William Atkins. Parce qu'il enseigne et ne commande rien qui ne soit bon, juste, saint, et ne tende à nous rendre parfaitement bons et parfaitement heureux, et parce qu'il nous défend et nous enjoint de fuir tout ce qui est mal, mauvais en soi ou mauvais dans ses conséquences. La femme. Que moi voudrais comprendre, que moi volontiers connaître, si lui récompenser toute bonne chose, punir toute méchante chose, défendre toute méchante chose, lui faire toute chose, lui donner toute chose, lui entendre moi quand moi dire « Oh !» à lui, comme vous venir de faire juste à présent, lui faire moi bonne si moi désire être bonne. Lui, épargnez-moi, pas faire tuer moi, quand moi pas être bonne, si tout ce que vous dire lui faire, oui, lui être grand Dieu, moi prendre, penser, croire lui être grand Dieu, moi dire, oh, aussi à lui avec vous, mon cher. » Ici, le pauvre homme nous dit qu'il n'avait pu se contenir plus longtemps, mais que prenant sa femme par la main, il l'avait fait mettre à genoux près de lui, et qu'il avait prié Dieu à haute voix de l'instruire dans la connaissance de lui-même par son divin esprit, et de faire par un coup heureux de sa providence s'il était possible que tôt ou tard elle vînt à posséder une Bible, afin qu'elle pût lire la parole de Dieu, et par là apprendre à le connaître. C'est en ce moment que nous l'avions vu lui offrir la main et s'agenouiller auprès d'elle, comme il a été dit. Ils se dirent encore, après ceci, beaucoup d'autres choses qui seraient trop longs, ce me semble, de rapporter ici. Entre autres, elle lui fit promettre, puisque de son propre aveu, sa vie n'avait été qu'une suite criminelle et abominable de provocations contre Dieu, de la réformer, de ne plus irriter Dieu, de peur qu'il ne voulût faire lui mort, selon sa propre expression. Qu'alors elle ne resta seule et ne put apprendre à connaître plus particulièrement ce Dieu, et qu'il ne fût misérable, comme il lui avait dit que les hommes méchants le seraient après leur mort. Ce récit nous parut vraiment étrange, et nous émut beaucoup l'un et l'autre, surtout le jeune ecclésiastique. Il en fut, lui, émerveillé. Mais il ressentit la plus vive douleur de ne pouvoir parler à la femme, de ne pouvoir parler anglais pour s'en faire entendre, et comme elle écorchait impitoyablement l'anglais, de ne pouvoir la comprendre elle-même. Toutefois, il se tourna vers moi et me dit qu'il croyait que pour elle, il y avait quelque chose de plus à faire que de la marier. Je ne le compris pas d'abord. Mais enfin, il s'expliqua. Il entendait par là qu'elle devait être baptisée. J'adhérai à cela avec joie et comme je m'y empressais. « Non, non, arrêtez, sire, me dit-il. Bien que j'aie fort à cœur de l'avoir baptisée, cependant, tout en reconnaissant que Will Atkins, son mari, l'a vraiment amenée d'une façon miraculeuse à souhaiter d'embrasser une vie religieuse et à lui donner de justes idées de l'existence d'un Dieu, de son pouvoir, de sa justice, de sa miséricorde, je désire savoir de lui s'il lui a dit quelque chose de Jésus-Christ et du salut des pécheurs, de la nature de notre foi en lui et de notre rédemption, du Saint-Esprit, de la résurrection, du jugement dernier et d'une vie future. » Je rappelai Will Atkins et je le lui demandai. Le pauvre garçon fondit en larmes et nous dit qu'il lui en avait bien touché quelques paroles, mais qu'il était lui-même si méchante créature et que sa conscience lui reprochait si vivement sa vie horrible et impie qu'il avait tremblé que la connaissance qu'elle avait de lui n'atténuât l'attention qu'elle devait donner à ces choses et ne la porta plutôt à mépriser la religion qu'à l'embrasser. Néanmoins, il était certain, nous dit-il, que son esprit était si disposé à recevoir d'heureuses impressions de toutes ces vérités que si je voulais bien l'en entretenir, elle ferait voir, à ma grande satisfaction, que mes peines ne seraient point perdues sur elle. En conséquence, je la fis venir, et me plaçant comme interprète entre elle et mon pieux ecclésiastique, je le priai d'entrer en matière. Or, sûrement jamais pareil sermon n'a été prêché par un prêtre papiste dans ces derniers siècles du monde. Aussi lui dis-je que je lui trouvais tout le zèle, toute la science, toute la sincérité d'un chrétien, sans les erreurs d'un catholique romain, et que je croyais voir en lui un pasteur tel qu'avaient été les évêques de Rome avant que l'Église romaine se fût assumée la souveraineté spirituelle sur les consciences humaines. En un mot, il amena la pauvre femme à embrasser la connaissance du Christ et de notre rédemption, non seulement avec admiration, avec étonnement, comme elle avait recueilli les premières notions de l'existence d'un Dieu, mais encore avec joie, avec foi, avec une ferveur et un degré surprenant d'intelligence presque inimaginable et tout à fait indicible. Finalement, à sa propre requête, elle fut baptisée. Tandis qu'il se préparait à lui conférer le baptême, je le suppliai de vouloir bien accomplir cet office avec quelques précautions, afin, s'il était possible, que l'homme ne pût s'apercevoir qu'il appartenait à l'Église romaine, à cause des fâcheuses conséquences qui pourraient résulter d'une dissidence entre nous dans cette religion même où nous instruisions les autres. Il me répondit que n'ayant ni chapelle consacrée ni chose propre à cette célébration, il officierait d'une telle manière que je ne pourrais reconnaître moi-même qu'il était catholique romain si je ne le savais déjà. Et c'est ce qu'il fit. Car après avoir marmonné en latin quelques paroles que je ne pus comprendre, Il versa un plein vase d'eau sur la tête de la femme, disant en français d'une voix haute « Marie, c'était le nom que son époux avait souhaité que je lui donnasse, car j'étais son parrain. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » De sorte qu'on ne pouvait deviner par là de quelle religion il était. Ensuite, il donna la bénédiction en latin. Mais Will Atkins ne sut pas si c'était en français ou ne prit point garde à cela en ce moment. Sitôt cette cérémonie terminée, il les maria. Puis, après les épousailles faites, il se tourna vers Will Atkins et l'exhorta d'une manière très pressante, non seulement à persévérer dans ses bonnes dispositions, mais à corroborer les convictions dont il était pénétré par une ferme résolution de réformer sa vie. Il lui déclara que c'était chose vaine que de dire qu'il se repentait s'il n'abjurait ses crimes. Il lui représenta combien Dieu l'avait honoré en le choisissant comme instrument pour amener sa femme à la connaissance de la religion chrétienne, et combien il devait être soigneux de ne pas se montrer rebelle à la grâce de Dieu. Qu'autrement, il verrait la païenne, meilleure chrétienne que lui, la sauvage, élue et l'instrument réprouvé. Il leur dit encore à tous deux une foule d'excellentes choses. Puis, les recommandant en peu de mots à la bonté divine, il leur donna de nouveau la bénédiction. Moi, comme interprète, leur traduisant toujours chaque chose en anglais. Ainsi se termina la cérémonie. Ce fut bien pour moi la plus charmante, la plus agréable journée que j'ai jamais passée dans toute ma vie. Or, mon religieux n'en avait pas encore fini. Ses pensées se reportaient sans cesse à la conversion des 37 sauvages, et volontiers il serait resté dans l'île pour l'entreprendre. Mais je le convainquis, premièrement, qu'en soi cette entreprise était impraticable, et secondement, que je pourrais peut-être la mettre en voie d'être terminée à sa satisfaction durant son absence, dont je parlerai tout à l'heure. Ayant ainsi mis à fond les affaires de l'île, je me préparais à retourner à bord du navire, quand le jeune homme que j'avais recueilli d'entre l'équipage affamé vint à moi et me dit qu'il avait appris que j'avais un ecclésiastique et que j'avais marié par son office les Anglais avec les femmes sauvages qu'il nommait leurs épouses, et que lui-même avait aussi un projet de mariage entre deux chrétiens qu'il désirait voir s'accomplir avant mon départ, ce qui, espérait-il, ne me serait point désagréable. Je compris de suite qu'il était question de la jeune fille servante de sa mère, car il n'y avait point d'autres femmes chrétiennes dans l'île. Aussi commençais-je à le dissuader de faire une chose pareille inconsidérément, et parce qu'il se trouvait dans une situation isolée. Je lui représentais qu'il avait par le monde une fortune assez considérable et de bons amis, comme je le tenais de lui-même et de la jeune fille aussi, que cette fille était non seulement pauvre et servante, mais encore d'un âge disproportionné, puisqu'elle avait 26 ou 27 ans et lui pas plus de 17 ou 18, que très probablement il lui serait possible, avec mon assistance, de se tirer de ce désert et de retourner dans sa patrie, qu'alors il y avait 1000 à parier contre un qu'il se repentirait de son choix, et que le dégoût de sa position leur serait préjudiciable à tous deux. J'allais m'étendre bien davantage, mais il m'interrompit en souriant, et me dit avec beaucoup de candeur que je me trompais dans ses conjectures, qu'il n'avait rien de pareil en tête, sa situation présente étant déjà assez triste et déplorable, qu'il était charmé d'apprendre que j'avais quelque désir de le mettre à même de revoir son pays, que rien n'aurait pu l'engager à rester en ce lieu si le voyage que j'allais poursuivre n'eût été si effroyablement long et si hasardeux, et ne l'eût jeté si loin de tous ses amis, qu'il ne souhaitait rien de moi, sinon que je voulusse bien lui assigner une petite propriété dans mon île, lui donner un serviteur ou deux et des choses nécessaires pour qu'il pût s'y établir comme planteur, en attendant l'heureux moment où, si je retournais en Angleterre, je pourrais le délivrer, plein de l'espérance que je ne l'oublierai pas quand j'y serai revenu. Enfin, qu'il me remettrait quelques lettres pour ses amis à Londres, afin de leur faire savoir combien j'avais été bon pour lui, et dans quel lieu du monde et dans quelle situation je l'avais laissé. Il me promettait, disait-il, lorsque je le délivrerais, que la plantation, dans l'état d'amélioration où il l'aurait portée, quelle qu'en pût être la valeur, deviendrait tout à fait mienne. Son discours était fort bien tourné eu égard à sa jeunesse, et me fut surtout agréable parce qu'il m'apprenait positivement que le mariage en vue ne le concernait point lui-même. Je lui donnai toutes les assurances possibles que si j'arrivais à bon port en Angleterre, je remettrais ses lettres et m'occuperais sérieusement de ses affaires, et qu'il pouvait compter que je n'oublierais point dans quelle situation je le laissais. Mais j'étais toujours impatient de savoir quels étaient les personnages à marier. Il me dit enfin que c'était mon Jacques Bonatou et sa servante Suzanne. Je fus fort agréablement surpris quand il me nomma le couple, car vraiment il me semblait bien assorti. J'ai déjà tracé le caractère de l'homme. Quant à la servante, c'était une jeune femme très honnête, modeste, réservée et pieuse. Douée de beaucoup de sens, elle était assez agréable de sa personne, s'exprimait fort bien et à propos, toujours avec décence et bonne grâce, et n'était ni lente à parler quand quelque chose le requérait, ni impertinemment empressée quand ce n'était pas ses affaires. Très adroite d'ailleurs, fort entendue dans tout ce qui la concernait, excellente ménagère et capable en vérité d'être la gouvernante de l'île entière. Elle savait parfaitement se conduire avec les gens de toutes sortes qui l'entouraient et n'eût pas été plus empruntée avec des gens du bel air s'il s'en fût trouvé là. Les accordailles étant faites de cette manière, nous les mariâmes le jour même. Et comme à l'hôtel, pour ainsi dire, je servais de père à cette fille et que je la présentais, je lui constituais une dot. Je lui assignais, à elle et à son mari, une belle et vaste étendue de terre pour leur plantation. Ce mariage et la proposition que le jeune gentleman m'avait faite de lui concéder une petite propriété dans l'île me donnèrent l'idée de la partager entre ses habitants afin qu'ils ne pussent par la suite se quereller au sujet de leur emplacement. Je remis le soin de ce partage à Will Atkins, qui vraiment alors était devenu un homme sage, grave, ménagé, complètement réformé, excessivement pieux et religieux, et qui, autant qu'il peut m'être permis de prononcer en pareil cas, était, je le crois fermement, un pénitent sincère. Il s'acquitta de cette répartition avec tant d'équité et tellement à la satisfaction de chacun qu'ils désirèrent seulement pour le tout un acte général de ma main que je fisse dresser et que je signais et scellais. Ce contrat, déterminant la situation et les limites de chaque plantation, certifiait que je leur accordais la possession absolue et héréditaire des plantations ou fermes respectives et de leurs améliorissements, à eux et à leur ouar, me réservant tout le reste de l'île comme ma propriété particulière. Et par chaque plantation, une certaine redevance payable au bout de 11 années, à moi ou à quiconque de ma part, ou en mon nom, viendrait la réclamer et produirait une copie légalisée de cette concession. Quant aux modes de gouvernement et aux lois à introduire parmi eux, je leur dis que je ne saurais leur donner de meilleurs règlements que ceux qu'ils pouvaient s'imposer eux-mêmes. Seulement, je leur fis promettre de vivre en amitié et en bon voisinage les uns avec les autres. Et je me préparais à les quitter. Une chose que je ne dois point passer sous silence, c'est que, nos colons étant alors constitués en une sorte de république et surchargés de travaux, il était incongru que 37 Indiens vécussent dans un coin de l'île, indépendants et inoccupés. Car, excepté de pourvoir à leur nourriture, ce qui n'était pas toujours sans difficulté, ils n'avaient aucune espèce d'affaire ou de propriété à administrer. Aussi proposai-je au gouverneur espagnol d'aller les trouver avec le père de Vendredi et de leur offrir de se disperser et de planter pour leur compte, ou d'être agrégés aux différentes familles comme serviteurs et entretenus pour leur travail, sans être toutefois absolument esclaves. Car je n'aurais pas voulu souffrir qu'on les soumît à l'esclavage, ni par la force, ni par nulle autre voie, parce que leur liberté leur avait été octroyée par capitulation et qu'elle était un article de reddition, chose que l'honneur défend de violer. Ils adhérèrent volontiers à la proposition et suivirent tous de grand cœur le gouverneur espagnol. Nous leur départîmes donc des terres et des plantations. Trois ou quatre d'entre eux en acceptèrent, mais tous les autres préférèrent être employés comme serviteurs dans les diverses familles que nous avions fondées. Et ainsi ma colonie fut à peu près établie comme il suit. Les Espagnols possédaient mon habitation primitive, laquelle était la ville capitale, et avaient étendu leurs plantations tout le long du ruisseau qui formait la crique dont j'ai si souvent parlé, jusqu'à Matonelle. En accroissant leur culture, ils poussaient toujours à l'est. Les Anglais habitaient dans la partie nord-est, où Will Atkins et ses compagnons s'étaient fixés tout d'abord, et s'avançaient au sud et au sud-ouest, en deçà des possessions des Espagnols. Chaque plantation avait au besoin un grand supplément de terrain à sa disposition, de sorte qu'il ne pouvait y avoir lieu de se chamailler par manque de place. Toute la pointe occidentale de l'île fut laissée inhabitée, afin que si quelques sauvages y abordaient, seulement pour y consommer leurs barbaries accoutumées, ils pussent aller et venir librement. S'ils ne vexaient personne, personne n'avait envie de les vexer. Sans doute ils y débarquèrent souvent, mais ils s'en retournèrent sans plus, car je n'ai jamais entendu dire que mes planteurs eussent été attaqués et troublés davantage. »